débiles opportunistes à grands coups de triche se fichent des dommages collatéraux collards à tiche. Je maudis les riches chiches, les pastiches j'aime, les pâtes au sel, les pâtes au sel. J'aime nos blêmes, j'aime histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le confesse. Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un cas, c'est un con, je le confesse. Je maudis les obsédés du propre sur soi. Dans leur savelade, quant à soi, quoi? Quant à moi, je vomis les plats vomis, les phalles, les clichés sans droit. D'hémoglobine, des magazines, des viols de rétine. Mais j'aime histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le confesse. Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un cas, c'est un con, je le confesse. Je maudis les opportunistes à grands coups de triche, se fichent des dommages collatéraux, col à ratiche. Je maudis les riches chiches, les pastiches, j'aime les pâtes au sel, nos blêmes. Je maudis les obsédés du propre sur soi, dans le cervelas, le quant à soi, pas. Quant à moi, je vomis le plat, vomis les fins, les clichés sans droit, les magas, les magazines. J'aime histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le confesse. Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un cas, c'est un con, je le confesse.